FrenchPod.com. Ah, ça fait du bien une soirée entre mecs. J'amène les binous avant de commencer la partie. Pendant ce temps, tu distribues les cartes, Max. Ok, on joue enfermé. Je propose qu'on commence par mettre 20 euros chacun dans le pot. C'est bon pour moi. Allez, c'est à toi d'ouvrir, Dédé. Qu'est-ce que tu fais? Je me couche. À ton tour, Momo. Oh non, c'est Géraldine. Si je lui ouvre pas, elle va te tirer la tronche toute la semaine. C'est pas grave, les gars. Ignorez-la, faites comme si elle n'était pas là. Salut les mecs, j'ai apporté de la limonade et des biscuits diététiques. Qui en veut? Je passe, j'ai un jeu pourri. N'essaie pas de bluffer, Momo. On connaît ta tactique. Moi, je me couche aussi. Danny? J'ouvre les fenêtres, c'est insupportable toute cette fumée. Franchement, les gars, je vais vous demander de fumer vos prochaines cigarettes dehors. L'atmosphère est irrespirable. Je peux venir jouer avec vous? Je relance de 10 euros, Momo. Je suis... Avec ton brûlandas, tu as raison de suivre. Tu vas les plumer. C'est quoi ce clin d'œil? N'essayez pas de tricher. Mettons les cartes sur table, j'ai un full de dames, je remporte la mise. On t'a bien eu, il avait un carré d'as. Mais ce n'est pas grave, Dany. Tu connais le dicton? Malheureux au jeu, heureux en amour. Oui, mais j'espère pour toi que le contraire n'est pas vrai, sinon tu as du souci à te faire.